Léon Tolstoï, Anna Karénine. Première partie. Je me suis réservé à la vengeance, dit le Seigneur. Tous les bonheurs se ressemblent, mais chaque infortune a sa physionomie particulière. La maison Oblonsky était bouleversée. La princesse, ayant appris que son mari entretenait une liaison avec une institutrice française qui venait d'être congédiée, déclarait ne plus vouloir vivre sous le même toit que lui. Cette situation se prolongeait et se faisait cruellement sentir depuis 3 jours aux deux époux, ainsi qu'à tous les membres de la famille, aux domestiques eux-mêmes. Chacun sentait qu'il n'existait plus de lien entre des personnes réunies par le hasard dans une auberge qu'entre celles qui habitaient en ce moment la maison Oblonsky. La femme ne quittait pas ses appartements. Le mari ne rentrait pas de la journée, les enfants couraient abandonnés de chambre en chambre, l'anglaise s'était querellée avec la femme de charge et venait d'écrire à une amie de lui chercher une autre place, le cuisinier était sorti la veille sans permission à l'heure du dîner, et la fille de cuisine et le cocher demandaient leur compte. 3 jours après la scène qu'il avait eue avec sa femme, le prince Stéphane Arkadievitch Oblonsky, Stiva comme on l'appelait dans le monde, se réveilla à son heure habituelle, 8 heures du matin, non pas dans sa chambre à coucher, mais dans son cabinet de travail, sur un divan de cuir. Il se retourna sur les ressorts de son divan, cherchant à prolonger son sommeil, entoura son oreiller de ses deux bras, y appuya sa joue, puis, se redressant tout à coup, il s'assit et ouvrit les yeux. Oui, mais comment était-ce donc, pensa-t-il, en cherchant à se rappeler son rêve. Comment était-ce? Alabin donnait un dîner à Darmstadt. Non, ce n'était pas Darmstadt, mais quelque chose d'américain. Oui, là-bas, Darmstadt était en Amérique. Alabin donnait un dîner sur des tables de verre et les tables chantaient « Il mio tesoro ». C'était même mieux que « Il mio tesoro ». Il y avait là de petites carafes qui étaient des femmes. Les yeux de Stéphane Arkadievitch brillèrent gaiement et il se dit en souriant « Oui, c'était agréable, très agréable, mais cela ne se raconte pas en paroles et ne s'explique même plus clairement quand on est réveillé. » Et, remarquant un rayon de jour qui pénétrait dans la chambre par l'entrebâillement d'un store, il posa les pieds à terre, cherchant comme d'habitude ses pantoufles de maroquin brodées d'or, cadeau de sa femme pour son jour de naissance. Puis, toujours sous l'empire d'une habitude de 9 années, il tendit la main sans se lever pour prendre sa robe de chambre à la place où elle pendait d'ordinaire. Oh, ce fut alors seulement qu'il se rappela comment et pourquoi il était dans son cabinet. Le sourire disparut de ses lèvres et il fronça le sourcil. Soupira-t-il en se souvenant de ce qui s'était passé. Et son imagination lui représenta tous les détails de sa scène avec sa femme et la situation sans issue où il se trouvait par sa propre faute. Non, elle ne pardonnera pas. Elle ne peut pas pardonner. Mais ce qu'il y a de plus terrible, c'est que je suis cause de tout, et que je ne suis pas coupable. Voilà le drame. répétait-il dans son désespoir, en se rappelant toutes les impressions pénibles que lui avait laissées cette scène. Le plus désagréable avait été le premier moment, quand, rentrant du spectacle, heureux et content, avec une énorme poire dans la main pour sa femme, il n'avait pas trouvé celle-ci au salon. Étonné, il l'avait cherchée dans son cabinet, et l'avait enfin découverte dans sa chambre à coucher, tenant entre ses mains le fatal billet qui lui avait tout appris. Elle, cette Dolly, toujours affairée, préoccupée des petits tracas du ménage, et selon lui si peu perspicace, était assise, le billet dans la main, le regardant avec une expression de terreur, de désespoir et d'indignation. Qu'est-ce que cela, cela ? Demanda-t-elle en montrant le papier. Comme il arrive souvent, ce n'était pas le fait en lui-même qui touchait le plus Stepan Arkadievitch, mais la façon dont il avait répondu à sa femme. Semblable aux gens qui se trouvent impliqués dans une vilaine affaire sans s'y être attendus, il n'avait pas su prendre une physionomie conforme à sa situation. Au lieu de s'offenser, de nier, de se justifier, ou de demander pardon, de demeurer indifférent, tout autre aurait mieux valu. Sa figure prit involontairement. Action réflexe, pensa Stepan Arkadievitch, qui aimait la physiologie, très involontairement, un air souriant. Et ce sourire habituel, bonasse, devait nécessairement être niais. C'était ce sourire niais qu'il ne pouvait se pardonner. Dolly, en le voyant, avait tressailli comme blessée d'une douleur physique. Puis, avec son emportement habituel, elle avait accablé son mari d'un flot de paroles amères et s'était sauvée dans sa chambre. Depuis lors, elle ne voulait plus le voir. La faute en est à ce bête de sourire, pensait Stepan Arkadievitch. Mais que faire ? Mais que faire ? Répétait-il avec désespoir, sans trouver de réponse. Stepan Arkadievitch était sincère avec lui-même et incapable de se faire illusion au point de se persuader qu'il éprouvait les remords de sa conduite. Comment un beau garçon de 34 ans comme lui aurait-il pu se repentir de n'être plus amoureux de sa femme, la mère de 7 enfants, dont 5 vivants et à peine plus jeune que lui d'une année? Il ne se repentait que d'une chose, de n'avoir pas su lui dissimuler la situation. Peut-être aurait-il mieux caché ses infidélités s'il avait pu prévoir l'effet qu'elles produiraient sur sa femme. Jamais il n'y avait sérieusement réfléchi. Il s'imaginait vaguement qu'elle s'en doutait, qu'elle fermait volontairement les yeux, et trouvait même que, par un sentiment de justice, elle aurait dû se montrer indulgente. N'est-elle pas fanée, un peu vieillie, fatiguée? Tout le mérite de Dolly consistait à être une bonne mère de famille, fort ordinaire du reste, et sans aucune qualité qui la fit remarquer. L'erreur avait été grande. Mais c'est terrible, répétait Stepan Arkadievitch, sans trouver une idée consolante. Mais tout allait si bien, nous étions si heureux. Elle était contente, heureuse dans ses enfants. Je ne la gênais en rien, et la laissais libre de faire ce que bon lui semblait dans son ménage. Il est certain qu'il est fâcheux qu'elle était institutrice chez nous. Ce n'est pas bien, il y a quelque chose de vulgaire, de lâche, à faire la cour à l'institutrice de ses enfants. Mais quelle institutrice ! Il se rappela vivement les yeux noirs et fripons de Mademoiselle Roland et son sourire. Et tant qu'elle demeurait chez nous, je ne me suis rien permis. Ce qu'il y a de pire, c'est que, comme un fait exprès, que faire ? Les réponses, il n'y en avait pas, sinon cette réponse générale que la vie donne à toutes les questions les plus compliquées et les plus difficiles à résoudre. Vivre au jour le jour, c'est-à-dire s'oublier, mais ne pouvant plus retrouver l'oubli dans le sommeil, du moins jusqu'à la nuit suivante, il fallait s'étourdir dans le rêve de la vie. Ouf, nous verrons plus tard, pensa Stepan Arkadievitch, se décidant enfin à se lever. Il endossa sa robe de chambre grise doublée de soie bleue, en noua la cordelière, aspira l'air à plein poumon dans sa large poitrine, et d'un pas ferme qui lui était particulier, et qui était toute apparence de lourdeur à son corps vigoureux, il s'approcha de la fenêtre, enleva le store et sonna vivement. Madvel, le valet de chambre, un vieil ami, entra aussitôt portant les habits, les bottes de son maître et une dépêche. À sa suite vint le barbier avec son attirail. « A-t-on rapporté les papiers du tribunal ? » demanda Stepan Arkadievitch, prenant le télégramme et s'asseyant devant le miroir. Ils sont sur la table, répondit Manvel en jetant un coup d'œil interrogateur et plein de sympathie à son maître. Puis, après une pause, il ajouta avec un sourire rusé : On est venu de chez le loueur de voiture. Stepan Arkadievitch ne répondit pas et regarda Manvel dans le miroir. Ce regard prouvait à quel point ces deux hommes se comprenaient. « Pourquoi dis-tu cela ?» avait l'air de demander Oblonsky. Manvel, les mains dans les poches de sa jaquette, les jambes un peu écartées, répondit avec un sourire imperceptible. « Je leur ai dit de revenir dimanche prochain, et d'ici là de ne pas déranger monsieur inutilement. » Stepan Arkadievitch ouvrit le télégramme, le parcourut, une fois habillé, Stepan Arkadievitch se parfuma, arrangea ses manchettes, mit dans ses poches, suivant son habitude, ses cigarettes, son portefeuille, ses allumettes, sa montre avec une double chaîne et des breloques, chiffonna son mouchoir de poche et, malgré ses malheurs, se sentit frais, dispos, parfumé et physiquement heureux. Il se dirigea vers la salle à manger où l'attendait déjà son café et, près du café, ses lettres et ses papiers. Il parcourut les lettres. L'une d'elles était fort désagréable. C'était celle d'un marchand qui achetait du bois dans une terre de sa femme. Ce bois devait absolument être vendu, mais tant que la réconciliation n'aurait pas eu lieu, il ne pouvait être question de cette vente. C'eût été chose déplaisante que de mêler une affaire d'intérêt à l'affaire principale, celle de la réconciliation. Et la pensée qu'il pouvait être influencé par cette question d'argent lui sembla blessante. Après avoir lu ses lettres, Stepan Arkadievitch attira vers lui ses papiers, feuilleta vivement deux dossiers, fit quelques notes avec un gros crayon et, repoussant ses paperasses, se mit enfin à déjeuner. Tout en prenant son café, il déplia son journal du matin encore humide et le parcourut. Le journal que recevait Stepan Arkadievitch était libéral, sans être trop avancé, et d'une tendance qui convenait à la majorité du public. Quoique Oblonsky ne s'intéressât guère ni à la science, ni aux arts, ni à la politique, il ne s'en tenait pas moins très fermement aux opinions de son journal sur toutes ces questions, et ne changeait de manière de voir que lorsque la majorité du public en changeait. Pour mieux dire, ses opinions le quittaient d'elles-mêmes après lui être venues sans qu'il prît la peine de les choisir. Il les adoptait comme les formes de ses chapeaux et de ses redingotes, parce que tout le monde les portait, et, vivant dans une société où une certaine activité intellectuelle devient obligatoire avec l'âge, les opinions lui étaient aussi nécessaires que les chapeaux. Si ses tendances étaient libérales plutôt que conservatrices, comme celles de bien des personnages de son monde, ce n'est pas lui qu'il trouva les libéraux plus raisonnables, non, mais parce que leurs opinions cadraient mieux avec son genre de vie. Le parti libéral soutenait que tout allait mal en Russie, et c'était le cas pour Stepan Arkadievitch, qui avait beaucoup de dettes et peu d'argent. Le parti libéral prétendait que le mariage est une institution vieillie, qu'il est urgent de réformer. Et pour Stepan Arkadievitch, la vie conjugale offrait effectivement peu d'agréments et l'obligeait à mentir et à dissimuler, ce qui répugnait à sa nature. Les libéraux disaient, ou plutôt faisaient entendre, que la religion n'est un frein que pour la partie inculte de la population, et Stepan Arkadievitch, qui ne pouvait supporter l'office le plus court sans souffrir des jambes, ne comprenait pas pourquoi l'on s'inquiétait en termes effrayants et solennels de l'autre monde quand il faisait si bon vivre dans celui-ci. Joignez à cela que Stepan Arkadievitch ne détestait pas une bonne plaisanterie, et il s'amusait volontiers à scandaliser les gens tranquilles en soutenant que, du moment qu'on se glorifie de ses ancêtres, il ne convient pas de s'arrêter à Rurik et de renier l'ancêtre primitif, le singe. Les tendances libérales lui redevint alors une habitude, Il aimait son journal comme son cigare après dîner, pour le plaisir de sentir un léger brouillard envelopper son cerveau. Stepan Arkadievitch parcourut le leading article dans lequel il était expliqué que de notre temps, on s'inquiète bien à tort de voir le radicalisme menacer d'engloutir tous les éléments conservateurs, et qu'on a plus tort encore de supposer que le gouvernement doive prendre des mesures pour écraser l'hydre révolutionnaire. À notre avis, au contraire, le danger ne vient pas de cette fameuse hydre révolutionnaire, mais de l'entêtement traditionnel qui arrête tout progrès, etc., etc. Il parcourut également le second article, un article financier où il était question de Bentham et de Mill avec quelques pointes à l'adresse du ministère. Prompt à tout assimiler, il saisissait chacune des allusions, devinait d'où elle partait et à qui elle s'adressait, ce qui d'ordinaire l'amusait beaucoup, mais ce jour-là, son plaisir était gâté par le souvenir des conseils de Matrona Philémonovna et par le sentiment du malaise qui régnait dans la maison. Il parcourut tout le journal, apprit que le comte de Beust était parti pour Wiesbaden, qu'il n'existait plus de cheveux gris, qu'il se vendait une calèche, qu'une jeune personne cherchait une place, et ces nouvelles ne lui procurèrent pas la satisfaction tranquille et légèrement ironique qu'il éprouvait habituellement. Après avoir terminé sa lecture, pris une seconde tasse de thé avec du kalatch et du beurre, il se leva, secoua les miettes qui s'étaient attachées à son gilet, et sourit de plaisir tout en redressant sa large poitrine. Ce n'est pas qu'il n'eût rien de particulièrement gai dans l'âme. Ce sourire était simplement le résultat d'une excellente digestion. Mais ce sourire lui rappela tout, et il se prit à réfléchir. Deux voix d'enfants bavardaient derrière la porte. Stepan Arkadievitch reconnut celle de Krisba, son plus jeune fils, et de Tania, sa fille aînée. Ils traînaient quelque chose qu'ils avaient renversé. J'avais bien dit qu'il ne fallait pas mettre les voyageurs sur l'impériale, criait la petite fille en anglais. Ramasse maintenant. Tout va de travers, pensa Stefan Arkadievitch. Les enfants ne sont plus surveillés. Et s'approchant de la porte, il les appela. Les petits abandonnèrent la boîte qui leur représentait un chemin de fer et accoururent. Tania entra hardiment et se suspendit en riant au cou de son père, dont elle était la favorite, s'amusant comme d'habitude à respirer le parfum bien connu qu'exhalaient ses favoris. Après avoir embrassé ce visage que la tendresse, autant que la pose forcément inclinée, avait rougi, la petite détacha ses bras et voulut s'enfuir, mais le père la retint. Que fait maman? Demanda-t-il en passant la main sur le petit cou blanc et délicat de sa fille. Bonjour, dit-il en souriant à son petit garçon qui s'approchait à son tour. Il s'avouait qu'il aimait moins son fils et cherchait toujours à le dissimuler, mais l'enfant comprenait la différence et ne répondit pas au sourire forcé de son père. Ma maman, elle est levée, dit Tania. Stepan Arkadievitch soupira. Ah, elle n'aura pas dormi de la nuit, pensa-t-il. Est-elle gaie? La petite fille savait qu'il se passait quelque chose de grave entre ses parents, que sa mère ne pouvait être gaie et que son père feignait de l'ignorer en lui faisant si légèrement cette question. Elle rougit pour son père. Celui-ci la comprit et rougit à son tour. Oh, je ne sais pas, répondit l'enfant. Elle veut pas que nous prenions nos leçons ce matin et nous envoie avec Missel chez grand-maman. Eh bien, vas-y, ma Tania. Mais attends un moment, ajouta-t-il en la retenant et en caressant sa petite main délicate. Il chercha sur la cheminée une boîte de bonbons qu'il y avait placée la veille et prit deux bonbons qu'il lui donna, en ayant eu soin de choisir ceux qu'elle préférait. C'est aussi pour Grisha, dit la petite. Ben oui, oui. Et avec une dernière caresse à ses petites épaules et un baiser sur ses cheveux et son cou, il la laissa partir. La voiture est avancée, vint à lancer Manveil. Il y a là une solliciteuse, ajouta-t-il. Depuis longtemps ? Demanda Stefan Arkadievitch. Oh, une petite demi-heure. Mais combien de fois ne t'ai-je pas ordonné de me prévenir immédiatement ? Mais il faut bien cependant vous donner le temps de déjeuner, repartit Manveil d'un ton bourru mais amical, qui ôtait toute envie de le gronder. Eh bien, fais vite entrer, dit Oblonsky en fronçant le sourcil de dépit. La solliciteuse, femme d'un capitaine Kalinin, demandait une chose impossible et qui n'avait pas le sens commun. Mais Stepan Arkadievitch la fit asseoir, l'écouta sans l'interrompre, lui dit comment et à qui il fallait s'adresser, lui écrivit même un billet de sa belle écriture bien nette pour la personne qui pouvait l'aider. Après avoir congédié la femme du capitaine, Stepan Arkadievitch prit son chapeau et s'arrêta en se demandant s'il n'oubliait pas quelque chose. Il n'avait oublié que ce qu'il souhaitait ne pas avoir à se rappeler, sa femme. Sa belle figure prit une expression de mécontentement. « Faut-il ou ne faut-il pas y aller ?» se demanda-t-il en baissant la tête. Une voix intérieure lui disait que mieux valait s'abstenir, parce qu'il n'y avait que fausseté et mensonge à attendre d'un rapprochement. Pouvait-il rendre Dolly attrayante comme autrefois ? Et lui-même, pouvait-il se faire vieux et incapable d'aimer ? Mais, cependant, il faudra bien en venir là. Les choses ne peuvent rester ainsi, se disait-il en s'efforçant de se donner du courage. Il se redressa, prit une cigarette, l'alluma, en tira deux bouffées, la rejeta dans un cendrier de nacre, et, traversant enfin le salon à grands pas, il ouvrit une porte qui donnait dans la chambre de sa femme. Daria Alexandrovna, vêtue d'une simple peignoir et entourée d'objets jetés çà et là autour d'elle, fouillait dans une chiffonnière ouverte. Elle avait ajusté à la hâte ses cheveux, rares maintenant, mais jadis épais et beaux, et ses yeux, agrandis par la maigreur de son visage, gardaient une expression d'effroi. Lorsqu'elle entendit le pas de son mari, elle se tourna vers la porte, décidée à cacher sous un air sévère et méprisant le trouble que lui causait cette entrevue si redoutée. Depuis 3 jours, elle tentait en vain de réunir ses effets et ceux de ses enfants pour aller se réfugier chez sa mère, sentant qu'il fallait d'une façon quelconque punir l'infidèle, l'humilier, lui rendre une faible partie du mal qu'il avait causé. Mais tout en se répétant qu'elle le quitterait, elle n'en trouvait pas la force, parce qu'elle ne pouvait se déshabituer de l'aimer et de le considérer comme son mari. D'ailleurs, elle s'avouait que, si dans sa propre maison elle avait de la peine à venir à bout de ses 5 enfants, ce serait bien pis là où elle comptait les mener. Le petit s'était déjà ressenti du désordre qui régnait dans le ménage et avait été souffrant à cause d'un bouillon tourné. Les autres s'étaient presque trouvés privés de dîner la veille, et, tout en comprenant qu'elle n'aurait jamais le courage de partir, elle cherchait à se donner le change en rassemblant ses affaires. En voyant la porte s'ouvrir, elle se reprit à bouleverser ses tiroirs et ne leva la tête que lorsque son mari fut tout près d'elle. Alors, au lieu de l'air sévère qu'elle voulait se donner, elle tourna vers lui un visage où se peignaient la souffrance et l'indécision. « Dolly, dit-il doucement d'un ton triste et soumis. Elle jeta un rapide coup d'œil sur lui, et le voyant brillant de fraîcheur et de santé. Ah, « il est heureux et content, pensa-t-elle, tandis que moi. Ah, que cette bonté qu'on admire en lui me révolte !» Et sa bouche se contracta nerveusement. Que me voulez-vous ? Demanda-t-elle sèchement. Dolly, répéta-t-il ému, Anna arrive aujourd'hui. Cela m'est fort indifférent. Je ne puis la recevoir. Il le faut cependant, Dolly. Allez-vous-en, allez-vous-en, allez-vous-en ! Cria-t-elle, sans le regarder, comme si ce cri lui était arraché par une douleur physique. Stepan Arkadievitch avait pu rester calme et se faire des illusions loin de sa femme, mais quand il vit ce visage ravagé et qu'il entendit ce cri désespéré, sa respiration s'arrêta, quelque chose lui monta au gosier et ses yeux se remplirent de larmes. « Mon Dieu, qu'ai-je fait, Dolly, au nom de Dieu ?» Il ne put en dire plus long, un sanglot le prit à la gorge. Elle ferma violemment la chiffonnière et se tourna vers lui. « Dolly, que puis-je dire ? Une seule chose. Pardonne. Souviens-toi, 9 années de ma vie ne peuvent-elles racheter 1 minute ?» Elle baissa les yeux, écoutant ce qu'il avait à dire, de l'air d'une personne qui espère qu'on la détrompera. « 1 minute d'entraînement » acheva-t-il, et il voulut continuer. Mais à ces mots, les lèvres de Dolly se serrèrent comme par l'effet d'une vive souffrance, et les muscles de sa joue droite se contractèrent de nouveau. « Allez-vous-en, allez-vous-en d'ici !» cria-t-elle encore plus vivement, « et ne me parlez pas de vos entraînements, de vos vilainies !» Elle voulut sortir, mais elle faillit tomber et s'accrocha au dossier d'une chaise pour se soutenir. Le visage d'Oblonsky s'assombrit. Ses yeux étaient pleins de larmes. « Dolly, dit-il presque en pleurant, au nom de Dieu, pensez aux enfants. Ils ne sont pas coupables. Il n'y a de coupable que moi, ben plus ni moi. Dis-moi comment je puis expier. Je suis prêt à tout. Je suis coupable et je n'ai pas de mots. » pour l'exprimer combien je le sens. Mais Dolly, pardonne. » Elle s'assit. Il écoutait cette respiration oppressée avec un sentiment de pitié infinie. Plusieurs fois, elle essaya de parler sans y parvenir. Il attendait. « Oh, tu penses aux enfants, quand il s'agit de jouer avec eux ?» Mais moi j'y pense en comprenant ce qu'ils ont perdu, dit-elle en répétant une des phrases qu'elle avait préparées pendant ces 3 jours. Elle lui avait dit « tu ». Il la regarda avec reconnaissance et fit un mouvement pour prendre sa main, mais elle s'éloigna de lui avec dégoût. Je ferai tout au monde pour les enfants, mais je ne sais ce que je dois décider. Faut-il les emmener loin de leur père ou les laisser auprès d'un débauché ? Oui, d'un débauché ! Voyons après ce qui s'est passé. Dites-moi s'il est possible que nous vivions ensemble. Est-ce possible ? Répondez donc ! Répéta-t-elle en élevant la voix. Lorsque mon mari, le père de mes enfants, est en liaison avec leur gouvernante. Mais que faire ? Que faire ? Interrompit-il d'une voix désolée. Baissant la tête et ne sachant plus ce qu'il disait. « Vous me révoltez, vous me répugniez !» cria-t-elle, s'animant de plus en plus. « Vos larmes sont de l'eau. Vous ne m'avez jamais aimé. Vous n'avez ni cœur ni honneur. Vous ne m'êtes plus qu'un étranger, oui, tout à fait un étranger. » Et elle répéta avec colère ce mot terrible pour elle, « un étranger ». Il la regarda, surprise et effrayée, ne comprenant pas combien il exaspérait sa femme par sa pitié. C'était le seul sentiment dont il le sentait trop bien, qu'il éprouva encore pour elle. L'amour était à jamais éteint. En ce moment, un des enfants pleura dans la chambre voisine, et la physionomie de Daria Alexandrovna s'adoucit, comme celle d'une personne qui revient à la réalité. Elle sembla hésiter un moment, puis, se levant vivement, elle se dirigea vers la porte. « Mais elle aime cependant mon enfant, » pensa Oblonsky, remarquant l'effet produit par le cri du petit. « Comment alors me prendrait-elle en horreur ? Dolly, encore un mot, insista-t-il en la suivant. Si vous me suivez, j'appelle les domestiques, les enfants, qu'ils sachent tous que vous êtes un lâche. Je pars aujourd'hui et vous n'avez qu'à vivre ici avec votre maîtresse. Elle sortit en fermant violemment la porte. Stefan Arkadievitch soupira, s'essuya la figure et quitta doucement la chambre. Matvei prétend que cela s'arrangera, mais comment ? Je n'en vois pas le moyen. C'est affreux ! Et comme elle a crié d'une façon vulgaire, se dit-il en pensant aux mots « lâche » et « maîtresse », pourvu que les femmes de chambre n'aient rien entendu. C'était un vendredi. Dans la salle à manger, l'horloger remontait la pendule. Oblonsky, en le voyant, se souvint que la régularité de cet Allemand chauve lui avait fait dire un jour qu'il devait être remonté lui-même pour toute sa vie dans le but de remonter les pendules. Le souvenir de cette plaisanterie le fit sourire. Et qui sait, au bout du compte, si Matvei n'a pas raison, pensa-t-il, et si cela ne s'arrangera pas. Matvei, cria-t-il, qu'on prépare tout au petit salon pour recevoir Anna Arkadievna. C'est bien, répondit le vieux domestique apparaissant aussitôt. Monsieur ne dînera pas à la maison ? Demanda-t-il en aidant son maître à endosser sa fourrure. Oh, cela dépend. Tiens, voici pour la dépense, dit Oblomsky en tirant un billet de 10 roubles de son portefeuille. Est-ce assez ? Oh, c'est ou pas assez, on s'arrangera, répondit Matvei, fermant la portière de la voiture et remontant le perron. Pendant ce temps, Dolly, avertie du départ de son mari par le bruit que fit la voiture en s'éloignant, rentrait dans sa chambre, son seul refuge, au milieu des soucis qui l'assiégeaient. L'anglaise et la bonne l'avaient accablée de questions. Quels vêtements fallait-il mettre aux enfants ? Pouvait-on donner du lait aux petits ? Fallait-il faire chercher un autre cuisinier ? Oh, laissez-moi tranquille, leur avait-elle dit en rentrant chez elle pour s'asseoir à la place où elle avait parlé à son mari. Là, serrant l'une contre l'autre ses mains amaigries dont les doigts ne retenaient plus les bagues, elle repassa leur entretien dans sa mémoire. Il est parti, mais a-t-il rompu avec elle ? Se peut-il qu'il la voie encore ? Pourquoi ne le lui ai-je pas demandé ? Non, non, non, non, nous ne pouvons plus vivre ensemble. Et, vivant sous le même toit, nous n'en resterons pas moins étrangers. Étrangers pour toujours, répéta-t-elle avec une insistance particulière sur ce dernier mot si cruel. Comme je l'aimais, mon Dieu, et comme je l'aime encore, même maintenant. Peut-être ne l'ai-je jamais plus aimé. Et ce qu'il y a de plus dur. Elle fut interrompue par l'entrée de Matrona Filimonovna. Ordonnez au moins qu'on aille chercher mon frère, dit celle-ci. Il fera le dîner, sinon ce sera comme hier, les enfants n'auront pas encore mangé à 6 heures. C'est bon, je vais venir et donner des ordres. A-t-on fait chercher du lait frais ? Et là-dessus, Daria Alexandrovna se plongea dans ses préoccupations quotidiennes et y noya pour un moment sa douleur. Stepan Arkadievitch avait fait de bonnes études grâce à d'heureux dons naturels, mais il était paresseux et léger, et par suite de ses défauts était sorti un des derniers de l'école. Quoiqu'il eût toujours mené une vie dissipée, qu'il n'eût qu'un chin médiocre et un âge peu avancé, il n'en occupait pas moins une place honorable qui rapportait de bons appointements, celle de président d'un des tribunaux de Moscou. Il avait obtenu cet emploi par la protection du mari de sa sœur Anna, Alexis Alexandrovitch Karénine, un des membres les plus influents du ministère. Mais à défaut de Karénine, Des centaines d'autres personnes, frères, sœurs, cousins, oncles, tantes, lui auraient procuré cette place ou tout autre du même genre, ainsi que les 6 000 roubles qu'il lui fallait pour vivre, ses affaires étant peu brillantes malgré la fortune assez considérable de sa femme. Stepan Arkadievitch comptait la moitié de Moscou et de Pétersbourg dans sa parenté et dans ses relations d'amitié. Il était né au milieu des puissants de ce monde. Un tiers des personnages attachés à la cour et au gouvernement avaient été amis de son père et l'avaient connu, lui, en brassière. Le second tiers le tutoyait et le troisième était composé de ses bons amis. Par conséquent, il avait pour alliés tous les dispensateurs des biens de la terre, sous forme d'emplois, de fermes, de concessions, etc., et il ne pouvait négliger un des leurs. Oblonski n'eut donc aucune peine à se donner pour obtenir une place avantageuse. Il ne s'agissait que d'éviter des refus, des jalousies, des querelles, des susceptibilités, ce qui lui était facile à cause de sa bonté naturelle. Il aurait trouvé plaisant qu'on lui refusât la place et le traitement dont il avait besoin. Qu'exigeait-il d'extraordinaire ? Il ne demandait que ce que ses contemporains obtenaient et se sentait aussi capable qu'un autre de remplir ses fonctions. On n'aimait pas seulement Stepan Arkadievitch à cause de son bon et aimable caractère et de sa loyauté indiscutable. Il y avait encore, dans son extérieur brillant et attrayant, dans ses yeux vifs, ses sourcils noirs, ses cheveux, son teint animé, dans l'ensemble de sa personne, une influence physique qui agissait sur ceux qui le rencontraient. « Ah, oh, Stiva, Oblonski, le voilà » s'écriait-on presque toujours avec un sourire de plaisir quand on l'apercevait. Et quoiqu'il ne résultât rien de particulièrement joyeux de cette rencontre, on ne se réjouissait pas moins de le revoir encore le lendemain et le surlendemain. Après avoir rempli pendant 3 ans la place de président, Stepan Arkadievitch s'était acquis non seulement l'amitié, mais encore la considération de ses collègues, inférieurs et supérieurs, aussi bien que celle des personnes que les affaires mettaient en rapport avec lui. Les qualités qui lui valaient cette estime générale étaient, premièrement, une extrême indulgence pour chacun, fondée sur le sentiment de ce qui lui manquait à lui-même. Secondement, un libéralisme absolu, non pas le libéralisme prôné par son journal, mais celui qui coulait naturellement dans ses veines et le rendait également affable pour tout le monde, à quelques conditions qu'on appartint. Et troisièmement, surtout, une complète indifférence pour les affaires dont il s'occupait, ce qui lui permettait de ne jamais se passionner et par conséquent de ne pas se tromper. En arrivant au tribunal, il se rendit à son cabinet particulier, gravement accompagné du Suisse qui portait son portefeuille, pour y revêtir son uniforme avant de passer dans la salle du conseil. Les employés de service se levèrent tous sur son passage et le saluèrent avec un sourire respectueux. Stepan Arkadievitch se hâta, comme toujours, de se rendre à sa place et s'assit, après avoir serré la main aux autres membres du conseil. Il plaisanta et causa dans la juste mesure des convenances et ouvrit la séance. Personne ne savait comment lui rester dans le taux officiel avec une nuance de simplicité et de bonhomie fort utile à l'expédition agréable des affaires. Le secrétaire s'approcha d'un air dégagé mais respectueux, commun à tous ceux qui l'entouraient Stepan Arkadievitch, lui apporta des papiers, lui adressa la parole sur le ton familier et libéral introduit par lui. Nous sommes enfin parvenus à obtenir les renseignements de l'administration du gouvernement de Pensa. Si vous permettez, les voici. Enfin, vous les avez, dit Stepan Arkadievitch en feuilletant les papiers du doigt. Alors, messieurs, et la séance commença. S'il pouvait se douter, pensait-il tout en penchant la tête d'un air important pendant la lecture du rapport, Combien leur président avait il y a une demi-heure la mine d'un gamin coupable. Et ses yeux riaient. Le conseil devait durer sans interruption jusqu'à 2 heures. Puis venait le déjeuner, et il n'était pas encore 2 heures lorsque les grandes portes vitrées de la salle s'ouvrirent et quelqu'un entra. Tous les membres du conseil, contents d'une petite diversion, se retournèrent. Mais l'huissier de garde fit aussitôt sortir l'intrus et referma les portes derrière lui. Quand le rapport fut terminé, Stepan Arkadievitch se leva et, sacrifiant au libéralisme de l'époque, tira ses cigarettes en pleine salle de conseil avant de passer dans son cabinet. Deux de ses collègues, Nikitine, un vétéran au service, et Greenwich, gentilhomme de la chambre, le suivirent. Nous aurons le temps de terminer après le déjeuner, dit Oblonsky. Je crois bien, répondit Nikitine. Ce doit être un fameux coquin que ce Famine, dit Greenwich en faisant allusion à l'un des personnages de l'affaire qu'ils avaient étudié. Stepan Arkadievitch fit une légère grimace, comme pour faire entendre à Greenwich qu'il n'était pas convenable d'établir un jugement anticipé, et ne répondit pas. « Qui donc est entré dans la salle ?» demanda-t-il à l'huissier. « Oh, quelqu'un est entré sans permission, votre Excellence. Pendant que j'avais le dos tourné, il vous demandait. « Quand les membres du conseil sortiront, lui ai-je dit. « Mais où est-il ? Oh, probablement dans le vestibule, car il était là tout à l'heure. Ah, le voici !» ajouta l'huissier en désignant un homme fortement constitué, à barbe frisée, qui montait légèrement et rapidement les marches usées de l'escalier de pierre, sans prendre la peine d'ôter son bonnet de fourrure. Un employé qui descendait, le portefeuille sous le bras, s'arrêta pour regarder d'un air peu bienveillant les pieds du jeune homme, et se tourna pour interroger Oblonsky du regard. Celui-ci, debout au haut de l'escalier, le visage animé encadré par son collet brodé d'uniforme, s'épanouit encore plus en reconnaissant l'arrivant. « Mais c'est bien lui, Lévin, enfin !» s'écria-t-il avec un sourire affectueux, quoique légèrement moqueur, en regardant Lévin qui s'approchait. « Comment ? Tu ne fais pas le dégoûter ? Tu viens me chercher dans ce mauvais lieu » dit-il, en se contentant pas de serrer la main de son ennemi, en l'embrassant avec effusion. « Mais depuis quand es-tu ici ? » « J'arrive et j'ai grand envie de te voir, » répondit Lévin timidement, en regardant autour de lui avec méfiance et inquiétude. « Eh bien, allons dans mon cabinet !» dit Stepan Arkadievitch, qui connaissait la sauvagerie mêlée d'amour propre et de susceptibilité de son ami. Et comme s'il se fût agi d'éviter un danger, il le prit par la main pour l'emmener. Stepan Arkadievitch tutoyait presque toutes ses connaissances, des vieillards de 60 ans, des jeunes gens de 20, des acteurs, des ministres, des marchands, des généraux, tous ceux avec lesquels il prenait du champagne, et avec qui n'en prenait-il pas. Dans le nombre des personnes ainsi tutoyées aux deux extrêmes de l'échelle sociale, il y en aurait eu de bien étonné d'apprendre qu'elles avaient, grâce à Oblonsky, quelque chose de commun entre elles, mais lorsque celui-ci rencontrait en présence de ses inférieurs un de ses tutoyés « honteux », comme il appelait en riant plusieurs de ses amis, il avait le tact de les soustraire à une impression désagréable. Lévin n'était pas un tutoyé honteux, c'était un camarade d'enfance. Cependant, Oblonsky sentait qu'il lui serait pénible de montrer leur intimité à tout le monde. C'est pourquoi il s'empressa de l'emmener. Lévin avait presque le même âge qu'Oblonsky et ne le tutoyait pas seulement par raison de champagne. Ils s'aimaient, malgré la différence de leur caractère et de leur goût, comme s'aiment des amis qui se sont liés dans leur première jeunesse. Mais, ainsi qu'il arrive souvent à des hommes dont la sphère d'action est très différente, Chacun d'eux, tout en approuvant par le raisonnement la carrière de son ami, la méprisait au fond de l'âme et croyait la vie qu'il menait lui-même la seule rationnelle. À l'aspect de Lévin, Oblonsky ne pouvait dissimuler un sourire ironique. Combien de fois ne l'avait-il pas vu arriver de la campagne où il faisait quelque chose? Stepan Arkadievitch ne savait pas au juste quoi et ne s'y intéressait guère. Agité, pressé, un peu gêné, irrité de cette gêne, et apportant généralement des points de vue tout à fait nouveaux et inattendus sur la vie et les choses. Stepan Arkadievitch en riait et s'en amusait. Lévin, de son côté, méprisait le genre d'existence que son ami menait à Moscou, traitait son service de plaisanterie et s'en moquait. Mais Oblonsky prenait gaiement la plaisanterie en homme sûr de son fait, tandis que Lévin riait sans conviction et se fâchait. « Mais nous t'attendions depuis longtemps, » dit Stepan Arkadievitch en entrant dans son cabinet et en lâchant la main de Lévin comme pour prouver qu'ici tout danger cessait. « Je suis bien heureux de te voir, » continua-t-il. « Eh bien, comment vas-tu? Que fais-tu? Quand es-tu arrivé ?» Lévin se taisait et regardait les figures inconnues pour lui des deux collègues d'Oblonsky. La main de l'élégant Grinevitch, aux doigts blancs et effilés, aux ongles longs, jaunes et recourbés du bout, avec d'énormes boutons brillant sur ses manchettes, absorbait visiblement toute son attention. Oblonsky s'en aperçut et sourit. « Permettez-moi, messieurs, de vous faire connaissance. Mes collègues, Philippe Ivanitch Nikitin, Michel Stradivanovitch Grinevitch, puis, se tournant vers Lévin, un propriétaire, un homme nouveau qui s'occupe des affaires du Setsvo, un gymnaste qui enlève 5 poules de main, un éleveur de bestiaux, un chasseur célèbre, mon ami Konstantin Dmitrievitch Lévin, le frère de Serge Ivanitch Kosichev. Charmé, répondit le plus âgé. Oh, j'ai l'honneur de connaître votre frère Serge Ivanitch, dit Grinevitch en tendant sa main aux doigts effilés. Le visage de Lévin se rembrunit. Il serra froidement la main qu'on lui tendait et se tourna vers Oblonsky. Quoiqu'il eût beaucoup de respect pour son demi-frère, l'écrivain connu de toute la Russie, il ne lui était pas moins désagréable qu'on s'adressât à lui non comme à Konstantin Lévin, mais comme au frère du célèbre Kosnichev. Non, je ne me coupe plus d'affaires, me suis brouillé avec tout le monde, et ne vais plus aux assemblées, dit-il en s'adressant à Oblonsky. Ben, cela s'est fait bien vite, s'écria celui-ci en souriant. Mais comment, pourquoi? Oh, c'est une longue histoire que je te raconterai quelque jour, répondit Lévin, ce qui ne l'empêcha pas de continuer. Pour être bref, je me suis convaincu qu'il n'existe et ne peut exister aucune action sérieuse à exercer dans nos questions provinciales. D'une part, on joue au Parlement, je ne suis ni assez jeune ni assez vieux pour m'amuser de joujou. Et d'autre part, c'est, il hésita, un moyen pour la coterie du district de gagner quelques sous. Autrefois, il y avait les tutelles, les jugements. Maintenant, il y a le Sebsvo, non pas pour y prendre des pots de vin, mais pour en tirer des appointements sans les gagner. Et il dit ces paroles avec chaleur et de l'air d'un homme qui croit que son opinion trouvera des contradicteurs. Hé, mais te voilà, il me semble, dans une nouvelle phase. Tu deviens conservateur, dit Stepan Arkadievitch. Oh, reste, nous en reparlerons plus tard. Oui, plus tard, mais j'avais besoin de te voir, dit Lévin en regardant toujours avec haine la main de Grinevitch. Stepan Arkadievitch sourit imperceptiblement. Et tu disais que tu ne porterais plus jamais d'habits européens, dit-il en examinant les vêtements tout neufs de son ami, œuvre d'un tailleur français. Je le vois bien, c'est une nouvelle phase. Lévin rougit tout à coup, non comme fait un homme mûr, mais sans s'en apercevoir, mais comme un jeune garçon qui se sent timide et ridicule et qui n'en rougit que davantage. Cette rougeur enfantine donnait à son visage intelligent et mâle un air si étrange qu'Oblomski cessa de le regarder. « Mais où donc nous verrons-nous? J'ai bien besoin de causer avec toi, » dit Lévin. Oblomski réfléchit. « Sais-tu bien, nous irons déjeuner chez Gourine et nous y causerons. Je suis libre jusqu'à 3 heures. » « Non, répondit Lévin après un moment de réflexion, il me faut encore faire une course. Eh bien alors, dînons ensemble. » Dîner, mais je n'ai rien de particulier à te dire, rien que 2 mots à te demander. Nous bavarderons plus tard. Ben, dans ce cas, dis les 2 mots tout de suite, nous causerons à dîner. Oh, ces 2 mots, les voici, dit Lévin. Au reste, ils n'ont rien de particulier. Et son visage prit une expression méchante qui ne tenait qu'à l'effort qu'il faisait pour vaincre sa timidité. Que font les Cherbatsky? Tout va-t-il comme par le passé? Stepan Arkadievitch savait depuis longtemps que Lévin était amoureux de sa belle-sœur Kitty. Il sourit et ses yeux brillèrent gaiement. « Ah, tu as dit 2 mots, mais je ne puis répondre de même parce que... Enfin, excuse-moi un instant. » Le secrétaire entra en ce moment, toujours respectueusement familier, avec le sentiment modeste, propre à tous les secrétaires, de sa supériorité en affaires sur son chef. Il s'approcha d'Oblomski et, sous une forme interrogative, se mit à lui expliquer une difficulté quelconque. Sans attendre la fin de l'explication, Stepan Arkadievitch lui posa amicalement la main sur le bras. « Non, non, faites comme je vous l'ai demandé, » dit-il en adoucissant son observation d'un sourire. Et après avoir brièvement expliqué comment il comprenait l'affaire, il repoussa les papiers en disant... Faites ainsi, je vous en prie, Zahar Nikititch. » Le secrétaire s'éloigna confus. Lévin, pendant cette petite conférence, avait eu le temps de se remettre et, debout derrière une chaise sur laquelle il s'était accoudé, il écoutait avec une attention ironique. « Je ne comprends pas, » dit-il. « Qu'est-ce que tu ne comprends pas ?» répondit Oblomski, en souriant aussi et en cherchant une cigarette. Il s'attendait à une sortie quelconque de Lévin. « Je ne comprends pas ce que vous faites, » dit Lévin en haussant les épaules. « Mais comment peux-tu faire cela tout sérieusement ?»« Pourquoi ?»« Mais parce que cela ne signifie rien. »« Ah, tu crois cela ? Mais nous sommes surchargés de besogne, au contraire. » « Oh, nous griffonnage !»« Eh bien oui, tu as un don spécial pour ces choses-là, » ajouta Lévin. « Ah, tu veux dire qu'il y a quelque chose qui me manque ?»« Peut-être bien. Cependant, je ne puis m'empêcher d'admirer ton grand air et de me glorifier d'avoir pour ami un homme si important. »« En attendant, tu n'as pas répondu à ma question, » ajouta-t-il en faisant un effort désespéré pour regarder Oblomski en face. Allons, allons, tu y viendras aussi. C'est bon tant que tu as 3000 desiatines dans le district de Karasinsk, des muscles comme les tiens et la fraîcheur d'une petite fille de 12 ans. Mais tu viendras tout de même. Ah, quant à ce que tu me demandes, il n'y a pas de changement, mais je regrette que tu sois resté si longtemps sans venir. Pourquoi ? Demanda Lévin. Parce que, répondit Oblomski. Ah, mais nous en causerons plus tard. Alors, qu'est-ce qui t'amène ? Nous parlerons de cela aussi plus tard, dit Lévin en rougissant encore jusqu'aux oreilles. C'est bien, je comprends, fit Stepan Arkadievitch. Vois-tu, je t'aurais bien prié de venir dîner chez moi, mais ma femme est souffrante. Si tu veux les voir, tu les trouveras au jardin zoologique de 4 à 5. Kitty patine. Vas-y, je te rejoindrai et nous irons dîner quelque part ensemble. Ah, parfaitement, alors au revoir. Fais attention, n'oublie pas. Je te connais, tu es capable de repartir subitement pour la campagne, s'écria en riant Stepan Arkadievitch. Non, non, non, bien sûr, je reviendrai. Lévin sortit du cabinet et se souvint seulement de l'autre côté de la porte qu'il avait oublié de saluer les collègues d'Oblonsky. Ce doit être un personnage énergique, dit Greenwich quand Lévin fut sorti. Oui, mon petit frère, dit Stepan Arkadievitch en hochant la tête. C'est un gaillard qui a de la chance. 3000 dessiatines dans le district de Karasinski. Il a l'avenir pour lui, et quelle jeunesse! Ce n'est pas comme nous autres. Oh, vous n'avez guère à vous plaindre pour votre part, Stepan Arkadievitch. Si, tout va mal, répondit Stepan Arkadievitch en soupirant profondément.